Rooster. Yes, you know it's good news. Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire KFI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfi.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 09 80 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFI 90.3 FM Minneapolis-Saint-Paul and around the world at kfi.org. Non-commercial, community-powered radio. Bonsoir. Bonsoir, Adrien. Bonsoir, Freddy. Comment ça va? Great, et bonsoir around the world. Oh, tout le monde. From Studio 4 at KFAI. Ça va, et toi? Well, not too bad. Yeah, not too bad. It was a quiet day. Kind of busy, but not super active. Everybody is like, it's back to school after a holiday weekend. Yes. So, you know. Yeah. Did you have a good Labor Day weekend? Yeah, it was good. Thank you. I still feel weird to celebrate Labor Day in September. I know, right? Because in France, it's in May. Yeah, well, there's May Day here. Yeah. And it sounds like most of the world is celebrating in May 1st, but I don't know why. The unions here kind of... Right. Yeah. I'll look it up sometimes. Maybe there's there's an explanation that makes sense. I mean, I'll take the day off whenever it falls. Always nice to have a 4-day long week. Yes. And the advantage is it's always the first Monday of September, where May 1st is not always like on, I mean, sometimes it's on weekend. Oh, yeah. And if it's Saturday or Sunday, except for people who work these days, normally most people just lose, I mean, they lose the advantage of the day off if it's on weekend. So, so I'll take that. And tonight, we are celebrating the end of the summer. Yeah. And we can see that because temperatures are cooling down. Definitely. And and the rest is La Rentrée. So, yeah, going back to school. So mm-hmm. we have quite a few songs about that, or teachers in general, you know, from various artists. Everything's going to be in French. And, yeah. And one of the things I was busy with today was the 24 Hours of Frenchness. The 2025 edition is almost ready. It's going to be all day on Saturday. So starting at midnight on KFAI FA2. Mm-hmm. So you go to KFAI.org, and instead of clicking like to listen or play, mm-hmm. you change from KFAI to KFAI FA2. And then you click listen. Here we go. It's the alternative radio, and it's going to be French from beginning to end. In French, but from also different country or different part of the world. So it's going to go through a disco, a top 30, some playlists from a lot of guests. There's going to be like I have a tribute to Gainsbourg. There's like some about Quebec, about Creole. There's going to be a lot of variety. And USA theme song, so... all day long. And once it's done, in a week or so, or two, or maybe a little bit later, we'll post it online, probably on SoundCloud or Mixcloud or Archive or all of the above. And you'll be able to listen to the segment and re-listen to it, because it's mostly by theme, but there are some people who just added a playlist. And Chloe's playlist is close to yours. Kind of fairly recent stuff, with a little bit of classic, but like Christiane and Caroline, for example, their playlist is very much, there's quite a few things from the 80s, mm-hmm. like pop from the 80s, variety. And Emily and Chuck, they did a playlist, and it's more like 80s, but more 90s and rock and... You know, with like Négresse Verte and Johnny Montreuil and some others, Téléphone, for example, right. Things like that. All the songs they give play. They gave me 2.5 hours playlist. Awesome. I couldn't place it all, so they have 1.5 hours. Nice. Because I wanted, there's some that I really wanted, and there's some that I really wanted and I couldn't have this time, but I will have them maybe next year. Yeah. So check it out. You can go to bonjourminnesota.com and there's the announce with the link. And soon, probably tomorrow, there's going to be the schedule, because like it's going to be disco from midnight to 2 o'clock to 2 a.m. And then, you know, it's going to be Gainsbourg and it's going to be some others. So I did try to kind of separate the playlist so there's not as much conflict. And I mean, there's not really any conflict on song. I think there's maybe like a couple of duplicates. Mm-hmm. And you would hear them if you listen to the whole 24 hours. But when they are kind of like close to each other, Megano is going to have a show and she has quite a few things from the 60s. So I had like a 1 hour of playlist for the Yeye. So I put them apart. So this way it doesn't stack up. Right. That's bringing a little bit of diversity and variety. So, all right. Should we listen to some of the music for tonight? Let's listen to some music. End of summer. Yeah. What are we going to listen to? Well, the first one we're going to listen to is from Nancy Holloway from Cleveland, Ohio. But she did most of her career in France. There we go. And the name of the song is Quand vient la fin de l'été? Ah oui. When the end of the summer is coming. Mm-hmm. Then Les Gammes, which is a band of girls from the 60s as well, with L'été reviendra, summer is going to come back, or will come back. And then the one I like a lot, Julien Doré with L'été summer. And it's l'été, and summer, like the summer in English, which means l'été. But it also, because it's the end, it's l'été summer, like the summer is dying. I mean, there's a play on L'été se meurt. Yeah, right. instead of l'été, summer. All right. Wow. Julien Doré, a clever guy, I tell you. He's an actor, too. Not only is he a great singer, but he's a great actor. I just watched this TV series called Panda, but we can talk about it later. Yeah. It's in France, and it's out here, too. It's available on some platforms. And I'll check it out. If you like Julien Doré as a singer, definitely check out Panda. Yeah. P-A-N-D-A. What platform? I think it's on Amazon. Okay. Yeah, but he's a really good actor, and I can tell you more about about it. Let's play some music. Allez, c'est parti. Oui. Quand vient la fin de l'été sur la plage. Alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé, doucement sur la plage. Par un baiser, le soleil est plus pâle, mais nos deux corps sont bronzés. Vois-tu qu'après un long hiver, notre amour aura changé. Quand vient la fin de l'été sur la plage. Alors se quitter, les vacances ont duré. Lorsque vient septembre et nos derniers baisers. Ta muse t'a fait pleurer. Ta muse t'a soulevé le cœur. Tu t'es disé, ouais, c'est l'été. Mais sais-tu que l'été se meurt? Veux-tu bien te rhabiller? Mettre une veste sur ton corps. Tu n'as qu'à ramasser celle qu'elle t'a jetée tout à l'heure. It's the end of the summer. L'été se meurt. Ça se vide à toute blinde. Ça sent le casino fermé. Même les plages ont l'air fauchées. Le soleil a l'air de s'éteindre. L'amour n'est jamais qu'un décor. Un iceberg en Amazonie. Une chambre avec vue sur le port. Où tu vas chialer toute la nuit. The end of the summer. L'été se meurt. See the end of the summer. L'été se meurt. Ton amour c'était pas le bon. Tu voulais trop te réchauffer. Tu as juste choisi la saison où il fait déjà 40 degrés. Prochaine fois t'essaieras l'hiver. Quand tu auras le cœur bien froid, tu lui achèteras une polaire si t'as toujours rien dans les bras. It's the end of the summer. L'été summer. This is the end of the summer. L'été summer. T'as racheté tes à côté. T'as ravalé ton haut le cœur. Tu te disais ouais c'est l'été. Mais sais-tu que l'été summer. It's the end of the summer. Et voilà, voilà, we are back. Already, we just listened to three songs. Yeah, the first one was from Nancy Holliday. Oui. With Quand vient la fin de l'été. Then Les Gammes with L'été reviendra. And then Julien Doré with L'été summer. Voilà, Julien. From his album Bichon, from 2011. Bichon, yeah. Oh, c'est mignon. Bichon, Bichon. From 2011, it was one of his first albums. I mean, like the beginning of his career. So that was fun. I like it. Yeah, and I was telling you about Julien Doré. Yeah, tell me. And his career as an actor in France right now. Tell us about Panda. Or Panda. Well, Panda is a comedy. Mm-hmm. And it's also a police type of like... investigation, you know, crime. Yeah. So you fall into the classic French, you know, TV genre there. Yeah. And obviously it's, so he plays a really interesting character. He's like a relaxed kind of pacific former cop. Okay. And his name is Panda because his full name is Pandalone or something like that, and yeah. And he goes by Panda. Okay. And so he kind of you know, as the series develops, he basically the police department needs him again. It takes place in a beautiful region of Camargue, okay, where they have pink flamingo, white wild horses, ranchers, French cowboys. I don't think it's a coincidence. Because in one of his albums called And, most of his videos, like at least a couple of them, Le Lac with Pamela Anderson and another one, was in Camargue as well, where you can see the horses running into the wilderness. Yeah, that's right, Le Lac. I remember that video clip. That was beautiful. Yeah. And yeah, so he's all zen and relaxed pacifist and he's like, I'm done with the crime investigation. He's got long hair. Half the time he's like paddleboarding. He's like... Cool. He doesn't wear much. Maybe that's the appeal for some of the public. and he kind of gets out of retirement and and it's really kind of goofy and he's a Sherlock Holmes type of character where he pieces things together. So I liked it. I thought it was light and easy to watch. Yeah. It's in French, but it's not too fast. They dub it sometime. I mean, it depends. But. Yeah, yeah. They have subtitles and everything. We've been watching HIP. HIP. Oh, yeah. Yeah, it's similar to that. HIP. Very similar. We've been watching the French version. Yeah. But it's being dubbed. And like for the first season, I mean, you have the choice. And for the first season, we watched it in French. Yeah. We watched it in French because I thought like, you know, I know the actors and I thought the voice were a little bit phony. but season two, we started to watch it with a dub and my girlfriend, who's not speaking French, liked it much better because she doesn't have to read all the time and she can do something else or she doesn't have to focus like 85% of the time, you know, into the subtitles. So she likes that, but it's good. I need to watch the latest season. I don't know if it's on Hulu yet. I haven't looked. Okay. I mean, it's out in France. Yeah. I know that. It's been out for like 6 months or months, maybe a year. But it takes time usually to get to Hulu. And I don't want to watch the American version because they don't have as many seasons. Yeah. And I'm a little bit concerned about spoilers too. Because some of the... I mean, for the pilot, it was kind of the same concept, both in French and in English. And when I say in English, I mean the remake, the American version, which is completely independent and From different. The French. It's independent, but they take some of the plots. So cool. I didn't know there was an American version. Yeah, it's pretty cool. I like the actress. It was the same actress that plays in like It's Sunny in Philadelphia. In Philadelphia. Yeah, she's awesome. Yeah. I can't remember her name, but she's so cool. Yeah. It's a great show too. Yeah. Nice. Witty. I only watched one or two seasons of Philadelphia. Okay. Yeah. So yeah, so we need to catch up on that, but I've been a little bit busy lately. Right. Moving, helping, moving, and 24 hours of French now. Yeah. So after that, I'm going to take it a little bit easy and I'm going to watch again a little bit more. And we have less boxes. There we go. That's a good thing. It does help. It's a good thing. Step by step. All right. Yeah. So we're going to listen to more songs. The beginning of the song that we just listened, starting, and I stopped like right away, was we're going to listen to Charlie Bell. And Belle like a cloche, or like a bell, B-E-L-L. And the name of the song is Avant la fin de l'été, before the end of the summer. Then we're going to listen to Georgius with Au lycée Papillon. At the lycée is what, high school? And the name of the high school is Butterfly in French. And it's kind of like a more old-fashioned song, like older. And then Patrick Bruel with L'Instit. And Instituteur is usually like primary, like between 6 and 10. And it's in this case, it's his mom. He's talking about his mom. So that's pretty cool. Very cool. All right. On y va? Allez. C'est parti. C'est parti. But I'm going to play an announcement first. Otherwise, I'm going to forget. Support for KFAI comes from Crooners, presenting A Night in Havana with Charanga Tropical, Friday, September 5th. The 10-piece Charanga Tropical combines violins, flutes, vocals, and a full Latin rhythm section. It's salsa with strings. Charanga Tropical brings together Cuban and American musicians to create traditional boleros, modern salsa, and Cuban classics. More information about A Night in Havana with Charanga Tropical can be found at croonersmn.com. L'hiver soufflera sur villages enchantés. Nos histoires qui sont trop belles, sont cruelles, sont fanées. Les passions passagères nous font tout oublier. La raison se réveille à la fin de l'été. Quelle drôle d'époque où les cœurs se connectent pour soi-disant s'aimer. Quelle triste époque, on s'aime sans question, on ne fait que consommer. Quelle drôle d'époque où l'espoir se reflète dans l'ombre d'un clavier. Quelle triste époque où le fond et la forme ne veulent plus s'embrasser. Tout comme toi, je m'endors sur nos plus belles années. Je ne crois plus au trésor. On le sait, le savent, on s'aime comme ça. Tout s'envole, tout s'en va, ça se passe comme ça. On le sait, le savent, on s'aime comme ça. On le sait, le savent, on s'aime comme ça. On le sait, le savent, on s'aime comme ça. Tout s'envole, tout s'en va, ça se passe comme ça. Tout comme toi, je m'endors sur nos plus belles années. Je ne crois plus au trésor. Quand vient la fin de l'été, je retrouverai de l'or et des cœurs par milliers. Je conjurerai le sort. La bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez 9. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon. Élève Podaran. Vous connaissez bien l'histoire naturelle. Eh bien, dites-moi ce qu'est un ruminant. Et puis citez-moi. Et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Les ruminants sont des coléoptères, tels que la langouste et le rat à dégoût, le cheval de bois, le poule à belle-mère, qui bavent sur sa proie et puis cavale tout. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Troufigne, présent. Vous connaissez bien la géographie, eh bien citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est là que mourut Philibert Besson. Bravo, mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Cancrela, présent. Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moi je serai calé plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne zéro. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon. Elle enseignait les numéros et les couleurs de l'arc-en-ciel, comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle. Elle leur a donné l'ABC, leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés en guise de petites munitions. Elle leur parlait de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres. Et même le dernier des cancres écoutait la chartreuse de Parme. Elle disait qu'une main tachée d'encre est une main qui ne tiendra pas d'armes. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Aujourd'hui je repense à elle, à toutes les vies qu'elle a changées, avec ses consonnes et voyelles et toutes les phrases qu'elle a semées. Je la revois à son bureau, la tête penchée sur le côté, en train de réparer leurs mots comme on soignerait des blessés. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Cette maîtresse, c'était ma mère, de l'avoir un peu partagée. Je me sens riche de sœurs et frères que je n'ai jamais rencontrés. Fleurs libres et fleurs sauvages, que la vie puisse les arroser d'amour, de savoir et d'ouvrage, autant qu'un jardin de pensées. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut être un ami. Peut être un ami. Peut être un ami. Et voilà, voilà, c'était Patrick Bruel. But we're going to go back to the playlist. We first listen to Charlie Bell with Avant la fin de l'été, Before the end of the summer. Then Georges with Au lycée Papillon, at the high school Papillon, and Over the Fly, and it was funny. Very funny. Especially the historic lessons that were mingling the Chinese and Vercingétorix. And that sort of things. Mm-hmm. And then just now was Patrick Bruel with Lance Dietz, and he's talking about his mom, who has been teaching letters and numbers, and teaching that a book can be a friend and a book can change a man and that sort of thing. So, beautiful song. Pretty cool. As usual, it's Patrick Bruel. Nice lyrics. Yeah. We're going to listen to three more songs. We're going to listen to Nicoletta with Litany pour une rentrée. So rentrée is going back to school, but it's kind of like a more general term. It's not just for school. I mean, because most people take vacation either in July or August. And mostly August, everything kind of slows down in France. Especially in Paris. Everywhere, yeah. Well, I mean, in the south, with the tourists coming there, like in a tourist area, they don't really close as much, but yeah, most of the companies that don't deal with tourists or restaurants or things like that, they close too. So yeah. That's true. Everybody's back. Right, everybody's back in Paris. Watch out. Yeah. Then we're going to listen to two songs. One from France Gall. The first one is Le Temps de la Rentrée. Oui. When it comes time to go back. Uh-huh. And the second one is Sacré Charlemagne. And she's kind of being in the place of a student and complaining about the fact that school has been invented when they could play. Which is not true, because if she was not at school, she would have been in a coal mine. All right, on y va? Allez, c'est parti. Aussi le canari, moi près de Saint-Tropez. C'est vacances.

the border of France at the time, which I don't, yeah, I think it was France already, was going towards, more towards Germany, and there was, they were less in Spain and Italy. Mm-hmm. So yeah, it was a huge empire by the end of his of his time, and he had three sons that divided it up, and he created like the Frank side, and the middle side became more like Germany area, and then another side to the east. No. So it's a lot of nations are kind of tied to that heritage of Charlemagne. Yeah. And actually the town where he crowned himself in 800 is in Aachen, Aix-la-Chapelle in French, but Aachen in Germany. Yeah. And it's a beautiful little cathedral, and that's where he crowned himself. Imagine. Yeah. Well, like Napoleon. Like Napoleon. And there was a division Charlemagne in the German army, and it was populated with people from Alsace-Lorraine, so French citizens that were like enlisted against their will. Some not, but some yes. All right. Cool, cool. We're going to keep on listening to music. Yep. At 9 o'clock-ish, we'll talk about the events coming up, one being 24 Hours of Frenchness, coming up on KFAI AFE2. September 6th. Yes, starting from midnight to 11:59:59. Or something like that. And so a lot of music in French, but from different places. I have a playlist about from like West Africa. And I have a top 30. So the book that Romain got me several years ago that I barely opened, I did open it, and it's the 1,000 favorite song of the French, and it's based on like a survey, and it's up until 2017 only, but it's more like popular thing than, I mean, in the past, last year, for example, I did like a top 100, but that was of the sales. Of the sales of the singles. And in that top 100, there was some song in English. There was some Michael Jackson and some Bowie. A lot. Where here, it's only songs in French from French artists for the most part. I mean, I think there are some Belgium. Like Jacques Brel. Yes. But even though he was from Belgium, he was like, he did most of his career in France. Yeah. So Jacques Brel singing about Amsterdam. Yeah. And not one of them, though. He has two in the top 30, and it's not that one. I have spared my time, so I didn't really go further than the number 30. No. And you'll see the surprise. And this time, instead of starting by the end, I think I know a surprise of the number one. Yeah. Have you heard the number one? Which one is the number one? Yeah, I did. You know the number one? Is it? Because in my because I don't have that book, but like I remember there was also like a top 100 songs that they would do that on the TV also in France some nights. Remember that? Yeah. And like the number one, you wait until like it's like 11:30 at night because of course they start at 100 at like 8 a.m. Well, that's what I did like last year. Yeah. I did like start at 100 and I did 25 by 25. Yeah. This year I started with number one. It's only like 2 hours. But number one is, nice. Okay, so let's tease. But like, number one was La Danse des Canards. La Danse des Canards. How do you say that? The Chicken Dance. The Chicken Dance was number one most popular song in France. It's a song from the Tyrol part of Germany. It was like a traditional song that was inspired the Chicken Dance. Wow. Which is the Duck Dance in French. Here we go. But no, that's not the Chicken Dance or La Danse des Canards. It's a D'accord. It's a surprise. It's a surprise. I mean, you're gonna get to see it first because I'm gonna start with that. But still, and number 30 is not very high, so it's interesting to see what's there. All right. So let's listen to more music. We're gonna listen to Stereo Total with À la sortie du lycée. At the exit of the high school. Then Les Fatales Picard with La Fête de l'École, the party at school. So it's more by the end of the year, but yeah. Let's not be too picky. And Bourville with Bonjour, Monsieur le Maître d'École. And that's going to be funny. He, yeah, it's kind of a funny song. I acknowledge that he was not necessarily the best Paul, but... Oh, what a surprise, Mr. Bourville. He became a politician in the song. Not an actor, a politician. All right, on y va? C'est parti. C'est la fête de l'école aujourd'hui. C'est, je crois, le plus beau jour de ma vie. En plus, j'ai trop de la chance, un truc de fou. Pendant 2 heures, je m'occupe du chamboule-tout. C'est une sorte de jeu hyper marrant. Un jeu qui plaît à pas mal d'enfants. En fait, avec une balle, faut faire tomber des boîtes. Bah, c'est moi qui ramasse les boîtes. C'est cool, on a de la chance avec le temps. Vu qu'en fait les stands sont dehors. Ok, il pleut et il y a beaucoup de vent. Mais du coup le soleil ne tape pas trop fort. Une sorte d'affreux gamin, prénommé Pierre, n'arrête pas de me viser avec son lance-pierre. Il paraît que c'est le fils de la directrice. D'ailleurs, ça la fait bien rire, madame la directrice. Mais moi, en fait, pour de vrai, je suis en train de péter un plomb. Je vais choper la dirlo et je vais lui couper la tête. Et je la mettrai sur un pic. Je planterai devant l'école et j'écrirai avec son sang que l'école est finie. Deux papas sympas et probablement un peu musiciens ont préparé comme une sorte d'attraction. C'est un truc hyper drôle avec des chansons. Et ils ont donné à chaque enfant un tambourin. Alors c'est complètement désopilant, ils sont déguisés. Alors l'un en canard et l'autre je crois en Pikachu ou Tigrou. Ils chantent la même chanson toute la journée. Et les enfants tapent entre autres sur leur tambourin. Mais moi, en fait, pour de vrai, je suis en train de péter un plomb. Je vais leur péter leur guitare et je vais les égorger vivants. Et leurs têtes vont tomber et je m'en servirai comme d'un feu pour écrire dans la cour que j'aime pas la musique.

Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI.90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne et dans le monde sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota, radio communautaire et sans frontières. Et sans frontières. Sans frontières. And this is Freddie. And this is Adrian. And we're here until 10 o'clock, until Balkan Jamboree kick us out. Yeah, with Nikolai. Yes, and we're here every Tuesday, 8 to 10 p.m. Mm-hmm. And if you want to hear more French on Saturday on KFAI FA2, there's going to be the 24 hours of Frenchness. Right on. Because there's a lot to offer. So 24 full hours of mostly music. Yeah. At first I was thinking about maybe more interviews or things like that. Mm-hmm. And the lack of time did not allow me to. Your voice will be on it. That's it. well, we have some interviews that are recent or some older. I mean, I even found CDs with the interview of the Mime Marceau. Oui. Yeah. That's crazy. I mean, there was Caril and Georgette interviewing him. So, yeah. Very fun. Yeah, pretty cool. So we just listened to three songs. Stereo Total with À la sortie du lycée, at the end of the high school. And then Les Fatal Picards with La fête de l'école. And just now was Bourville with Bonjour Monsieur, le maître d'école. Yeah, very nice. And now we're going to keep on going. So with more like funny kiddie song. The first song is going to be Les Mignons. Mm-hmm. And Les Mignons are the Minions. Oui. Oui, oui. And La Chanson des Profs, song of the teachers. And that's kind of funny. It's pretty short. And then Les Zut with Aujourd'hui, c'est la rentrée. Today, it's back to school. And then Richard Gottener with Poil au tableau. Okay. And Poil au tableau. Ah, ah, ah. Il fallait la passer, celle-là. Yes. Très bien. On y va? C'est parti. Je vais vous demander de vous asseoir dans le silence. Et on va commencer à bosser. On n'est plus là pour rigoler, mais pour apprendre. Allez. J'ai bien rangé ma chambre, préparé mes habits, bien plié au bout de mon lit. J'ai réglé mon réveil, j'avais pas trop sommeil, je me suis couché tôt, bonne nuit. Je suis content et j'ai même pas peur. Aujourd'hui c'est la rentrée. Mais faut quand même arriver à l'heure. Aujourd'hui c'est la rentrée. Je tiens fort la main de maman. Aujourd'hui c'est la rentrée. Et j'avance à pas de géant. Aujourd'hui c'est la rentrée. J'ai un cartable tout nouveau. Aujourd'hui c'est la rentrée. Pleine de stylos. Aujourd'hui c'est la rentrée. Devant la grille de l'école. Aujourd'hui c'est la rentrée. J'ai un peu le cœur qui s'affole. Aujourd'hui, aujourd'hui. rentrée. Est-ce que la maîtresse sera gentille? Y aura-t-il des frites à la cantine? La récréation dure-t-elle longtemps? J'étais grand chez les petits, maintenant je suis petit chez les grands. Je connais personne. Aujourd'hui c'est la rentrée. Et voilà la cloche qui sonne. Aujourd'hui c'est la rentrée. Je fais un bisou à mes parents. Aujourd'hui c'est la rentrée. On nous dit de nous mettre en rang. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui c'est la rentrée. Est un monsieur. Est-ce que dans la classe y aura des jeux? Est-ce qu'on nous donnera plein de devoirs qui nous empêchent de voir la télé et de jouer le soir? Je suis assis à côté de Manon. Aujourd'hui c'est la rentrée. Nous écrit son nom. Madame Pinson. Aujourd'hui c'est la rentrée. Avec un S. Elle nous dit d'ouvrir nos cahiers. Aujourd'hui c'est la rentrée. C'est parti pour toute une année. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui c'est la rentrée. Sortez vos cahiers. Écrivez votre prénom et votre nom dans la marge. Je rentre de l'école, ma chemise est tachée et mon beau pantalon troué. J'ai des nouveaux copains, plein de choses à raconter. Aujourd'hui c'était la rentrée. Faites sonner la récré. Vous tipez le sel de cheval. Vive la communale. En calcul et en géo. Double zéro pointé. Saucisse et cacao. Mais j'en sais des salis. Des bases élémentaires. J'en ai tout plein le brouillon. Les petites écoles, je sors des hauts prios. J'ai la mention guignol. Une histoire de Toto. Une cafetière sans café va s'acheter en 4 heures. À quelle heure va-t-elle croiser le camembert à vapeur? Multiplions zozo par graffiti soin soin. Si tout va comme il faut, caca boudin, je suis une banane, un cucu la praline. J'ai devenu un âne sur le banc des cantines. Crotte des poils au pied, faites sonner la récré. Vous que le sel de cheval. Vive la communale. Et voilà, voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Eh oui. And we just listened to three songs about going back to school, or la rentrée. The first one was Les Mignons, or The Minions, with La Chanson des Profs. I think when I watched Despicable Me, now I'm just laughing about The Minions all the time. They're so funny. And then after that, it was the band called Les Utes with Aujourd'hui, c'est la rentrée. And Richard Gottener just now with Poil au tableau. And Richard Gottener has always been not a kid's song, but goofy songs, for sure. And he did tons of commercials. Mm-hmm. And so talented that we still remember the commercial. Mm. And I mean, I remember some of the songs. And Gottener is pretty great. Very creative. Yeah. And we're going to talk a little bit about the events coming up. So we talk about the 24 Hours of Frenchness. So KFAI FA2, the event is posted on Facebook. And so if you go to either Bonjour Minnesota or French Influences or Freddy Le Titi or even KFAI, you go to the events, and when you find it, the link to get there is direct. So otherwise you can go to kfai.org and click on FA2 and click on play. It's going to start at midnight until midnight, and there's going to be a lot of themes and different people contributing with different playlists. Mm-hmm. And I really like the variety and the diversity for it. So that's one thing. And after that, it'll be posted on either SoundCloud or Mixcloud or something like that. Then on Saturday, the 6th, between 9:30 and 11:30, there's the Le Petit Déj. And Le Petit Déj is a French conversation group organized at the Alliance Française and by the Alliance Française. But when I say organized by the Alliance Française, it's just pretty much like, you know, put everything together, the tables and the chair, and people come and just chit-chat. So it's at 227 Koufax Avenue North, Saturday morning, Minneapolis, Minnesota, 5545. And yeah, you can go online to get more information at afmsp.org. And the next day, there's something fairly similar in Rochester. It's a petit café in Rochester, but it's Sunday between 2 p.m. and 3:30. And it's at the Café Aki, Aki à lui. And it's 1811 Second Street Southwest in Rochester. And yeah, it's fun too. And then French. Fêtons la fin de l'été. The Alliance Française is doing a fundraiser on Saturday the 6th between 3 and 6 p.m. It's an end of summer social and fundraiser. And it's going to happen at the University Club of St. Paul. And here, because it's a fundraiser, there's some financial participation because they need money, not only to live, but to keep on, you know, doing cultural program, language classes, social event, and yeah. So check out the event. There's going to be a pétanque team competition. So you can go to afmsp.org and get more specific, see if you want to register for a team or not, or if you want to just go there, hang out, have a drink, and, you know, take it easy. The University Club is in St. Paul. It's at 420 Summit Avenue in St. Paul. Then, Bien Vivre aux États-Unis is more for the Frenchies or people who want to move to the U.S. It's on Monday, September 8th at 11 a.m. Central. And it's an Eventbrite link. It's organized by French Morning. So the Facebook event is there, and you can click on the Eventbrite link, and it's online. So and it's in French, and it's to prepare you to prepare people to move to the US, and some advice and recommendation. Mm-hmm. And then the last event I wanted to talk about is on Wednesday, September 10th. So it's next week between 7 and 8, and it's Les Navigateurs de la Littérature. And it's an online book club, so you can go to afmsp.org to get the link and to register to get the Zoom link. And I did are not specifying for these. Also, yeah, that's it. I was going to say they are not specifying what book it is, but it's Agnès de Sarthe, Le Château des Rentiers. So, pretty cool. That's it for the events. And we're going to go back to music until 10 o'clock. We have Pierre Lauzère with C'est la rentrée. Then Henri Dess with Les bêtises à l'école, The Stupid Things We Do at School. And Aldebert pour Louper l'école. To Miss School, and it's featuring Kids United Nouvelle Génération. And that's usually fun. On y va? Oui, c'est parti. Devant toute la classe, monte au tableau, poil poil au dos pour faire des grimaces. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Quand le Julien, poil poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Et la maîtresse, poil poil aux tresses, qui pousse des soupirs quand Marion, poil au menton, attrape le fou rire. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Et puis à moi, poil poil aux doigts, qui marche à quatre pattes, pour chatouiller, poil au mollet, ma voisine de droite. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Y a la Thérèse, poil à la chaise, c'est la plus rigolote. Quand elle s'asseye, poil aux orteils, on lui voit sa culotte. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Heureuse brusquement, poil poil aux dents, quand vient la sonnerie, tout le monde s'arrête, poil aux baskets, Paris c'est la sortie. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. C'est à l'école tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école tagadagada qu'on apprend les bêtises. Zoom, zoom. Allez les kids, c'est l'heure. Oh, non. Allez, debout, faut y aller là. Non, pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid, manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac. Chatouiller une panthère, faire pipi sur un policier. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'où. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à devenir magicien pour me faire disparaître. Prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète. Prendre en otage ma petite sœur. Je serai prêt à me battre. Imiter les cascadeurs. Espérer finir dans le plâtre. Avaler de son limace. Pour effrayer les hostiles. Faire sauter la salle de classe à la dynamite. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à. C'est sans moi. Oui, j'ai eu cette idée folle. Un jour d'éviter l'école. Bon, allez, là, faut y aller maintenant. Non, non, y aller, non. Ah, si, si, vous y allez. Bah, pourquoi? Mais vous avez signé, vous y allez. Mais on n'a rien signé, tout le monde. Arrête. On ne veut pas y aller. On préfère rester couché. Oh, les mains, faut là-bas. La maîtresse en maille pas. On ne veut pas y aller. On préfère rester couché. Les cahiers, on veut. Jouer à Fortnite sur les mains, emménager à la cantine, chanter du Black M en latin, me faire tatouer les canines, passer la nuit sans wifi, me parfumer au Roquefort, compter jusqu'à l'infini, faire la love pour tomber du nord, sauter dans le compost tout nu, tester le kebab au chlore, gifler le gars de la sécu, avoir comme complot un compte mort, courir dans le désert en doudoune, faire mon ami aux urgences, traiter Dark Vador de clown, regarder le Tour de France. Pour louper l'école, on ferait n'importe quoi. Pour louper l'école, on irait jusqu'à. Pour louper l'école, on ferait n'importe quoi. Pour louper l'école, on irait jusqu'à. Support for KFAI comes from First Avenue, presenting Polo and Pan with Tycho, Tuesday, September 23rd at the Palace Theater. French electronica duo Polo and Pan are back with their latest release, 2222, a musical cocktail of disco, synth pop, and breezy grooves. Opening the show is San Francisco downtempo artist Tycho, also known as ISO 50. He's touring with his latest release, Infinite Health, an uplifting blend of psychedelic nostalgia. More information about Polo and Pan with Tycho at the Palace Theater is available at first-avenue.com. Et voilà. Right. We are back. Mm-hmm. And you just heard the cards, you know, there's going to be Polo and Pan. Ooh. At the Palace Theater, and we're pretty excited to go. Super excited. Adrian and I will go. We don't have ticket for that show. We may have ticket for Dominique Fils-Aimé, jazz singer, and the Dakota. So that would be for, I know she's playing on the 14th. And yeah, that's Sunday the 14th. So maybe next week we'll have tickets for it. For Polo and Pan, it was a... I assumed that it was tight. But that sounds pretty exciting. They are French. I haven't listened to their new album, just like maybe one track. Very sweet, yeah. But I'm probably going to buy it before we go. And yeah, so that should be cool. We just listened to three songs. The first one was from Pierre Lozère with C'est la rentrée, back to school. Then Henri Dess with Les bêtises à l'école, the stupid things we do at school. And Aldebert with Kids United, and it's Pour louper l'école. To miss school. Yeah. And they're talking about all the things that they would do to miss school. Eh ben, ça commence bien. Yeah. Eh ben, they just started today and they already want to miss school. Exactly. All right. We're going to listen to three more songs. The first one is from Annie and Jean-Marc Versini, and it's called C'est la rentrée des classes. Mm-hmm. It's back to school. Then Satine Wallet with La chanson de l'école. The song about school, and Gilbert Lafay with Le maître d'école. All right, on y va. C'est parti. C'est la rentrée des classes. Toute l'école est en fête. C'est la rentrée des classes. Enfants, c'est la fête. Dans le préau de l'école, on s'amuse et on rigole. On retrouve ses copains et tout ce qu'on aime bien. C'est la rentrée des classes. Toute l'école est en fête. C'est la rentrée des classes. C'est la fête. La maîtresse est très jolie, elle sourit tout le temps et console les petits qui réclament leur maman. C'est la rentrée des classes. Toute l'école est en fête. C'est la rentrée des classes. Enfants, c'est la fête. On va jouer et chanter, dessiner et colorier, mais aussi apprendre à lire, à compter et à écrire. C'est la rentrée des classes. Toute l'école est en fête. C'est la rentrée des classes. Enfants, c'est la fête. C'est la chanson de l'école, là où on mange nos tubes de colle. On y chante comme des casseroles, surtout en heure de colle. La plastique, c'est fantastique, et la musique, c'est trop magique. Les cours de maths, ça me donne la patate, et en anglais, je mets une cravate. C'est la chanson de l'école, là où on mange nos tubes de colle. On y chante comme des casseroles, surtout en heure de colle. À la cantine, on mange des tartines, et des mandarines, et des sardines. Du pain entre copains et on fait beaucoup les zinzins. C'est la chanson de l'école, là où on mange nos tubes de colle. On y chante comme des casseroles, surtout en heure de colle. Ma prof de français passe le balai et ma prof de SBT sans me chamouiller. Ma maîtresse et elle me stresse, c'est si profond comme ma maîtresse. Ma directrice s'appelle Anaïs et elle mange de la saucisse et du maïs. J'aimais bien le maître d'école, il nous lisait des poésies. Mais aujourd'hui, la ville est folle. Même les enfants ont des fusils. Où est la chanson de Prévert? Tous les oiseaux ont disparu. Y a pas de bois pour cet hiver. Et plus un arbre dans les rues. Il est loin le temps des cerises et du chemin des amoureux. Les filles se donnent pour des devises et les garçons se battent entre eux. J'aimais bien le maître d'école. Il nous faisait chanter debout et on se terre dans les sous-sols. Tout le pays est à genoux. Il est parti sans sa valise. On n'a pas pu lui dire adieu. Ils vont prier dans les églises et font la guerre au nom de Dieu. Bien le maître d'école, son bon sourire et ses yeux doux. Il était libre de parole et nous donnait confiance en nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est tombé devant mes yeux. J'ai vu le sang sur sa chemise. J'ai 14 ans et je suis vieux. J'ai 14 ans et je suis vieux. Back on Bonjour Minnesota. It feels like Bonsoir Minnesota now. It does. It is dark, it's so dark out. And it is 8:35 here in Minneapolis. 9:35. That's right. But it gets dark now around 7:50. Eh oui. I was looking at it because I wanted to go around around the lake, around the pond, and 7:50, that's it. So we listened to three songs on that theme of back to school. Back to school in France, back to school in Minnesota. Today is the day for most for most people on September 2nd. And so in France, it was yesterday. Yeah, it was yesterday because it was no Labor Day. Yeah. So, three songs. We listened to Satine. Well, Annie, actually, the first one was Annie Versini, C'est la rentrée des classes. And then Satine Wallet avec La chanson de l'école. And just the one we just listened to was from Gilbert Lafaye, Le maître d'école. Voilà. Celebrating tonight. While waiting for Balkan Jamboree, we saw Nicolas is here today. He's here bright and early, cooking up a great show. Yeah. And yeah. It's going to be nice. It will be nice. So, what is next? We have a few more songs, and we have Delgre, L'École. Oh, Delgresse. Delgresse, L'École. He's from the Caribbeans. The main singer is from the Caribbean, so it's very, a lot of it is in Creole. Excellent. And then Grégoire, prof. Huh. Grégoire is awesome. And Mireille Mathieu, maîtresse d'école. Ok. Alors on y va. C'est parti, mon kiki. Disparu, mais au fond, à jamais. Car si je parle et j'écris, si je sais qui je suis, si j'explique et qu'on soit, si ma vie se construit, si j'ai le cœur qui chante et des mots qui dessinent, si mon esprit invente, si mes doigts imaginent, c'est parce que vous avez su nous montrer la voie. Et sans vous avoir eu, on ne grandirait pas. Quand vous aviez tort, oui, vous aviez raison. Vous n'étiez que les forts et nous un peu trop cons. Mais vous gardiez l'espoir, vous n'étiez que patience. Au-delà du devoir, vous nous faisiez confiance. Vous avez cru en nous quand personne n'y croyait. Vous pensiez malgré tout qu'il fallait tout donner. Et parfois vous avez remplacé nos parents. Vous nous avez aimés comme on aime son enfant. On a été ingrat, on a été odieux, on était arrogant, idiot et capricieux. Mais jamais, non jamais, vous nous laissiez tomber. Oui, jamais, non jamais, vous nous abandonniez. Car c'est inscrit en vous, gravé dans vos entrailles, envers et contre tout. Toujours vaille que vaille, car aider un enfant, c'est aider l'univers, c'est créer des parents, de meilleurs pères et mères.

rap sans complexe. Oh les gants, les ringards à l'annexe. Avec un doigt, on dit plutôt le majeur que l'index. Il s'en est dedans, s'inspire de notre talent. Bénéficier de nos erreurs et on se gagne du temps. Évidemment, c'est la règle du jeu. Et sachez que je suis fier d'avoir participé à l'évolution de cette fraction. Armée de lyrics, c'est classé X, c'est prend ma section. À chacun d'entre nous, sous la devoir, guérira bien sa mission. A tout moment de vous dire avant de quitter le rang, tant qu'il en est temps. Quand on vendit le ton, talent tout en respectant les règles d'or, les protocoles d'accord. 100% hip hop ou bien. Ah oui, je suis un puriste, un funambule équilibriste. Rêve de voir son art sillonner la bonne piste en poste pour stopper l'imposture comme la peste. Que la nouvelle école prenne ceci comme un manifeste. Pour la nouvelle école. Dans la soupe, cela ne fait pas de doute. Tu vas bouffer les maçons dessus. Flûte, veux ta mère, des remèdes si. Les phrases sont enverbées énormément de testaments. Mais j'espère me faire comprendre. Pas de mépris sur l'analyse, mais tu peux te détendre. Si en plus du flow, le bon aimant est au niveau, même en solo. Bravo, c'est chaud, vas-y, chez en équipe. Oh, pas de blague, pas de gaffe, pas de gag. Oh, repère bien l'endroit où tu gagues. Je vous rappelle que le parcours plus difficile et que l'écart qui nous sépare du tout départ n'est pas dû au hasard, mais au travail. Vrai combat, ceux qui depuis un tiennent le gouvernail méritent une médaille sur ce bye bye. Bonne chance et bon vol. Sign enough, check one pour la nouvelle école. Sign enough, check one pour la nouvelle école. Sign enough, check one pour la nouvelle école. Sign enough, check one pour la nouvelle école. Stand by. And we are back on KFAI. You're listening to Bonjour Minnesota, and we're here to say good night. Thank you for listening to the show Tuesday. We'll be back Tuesday, and we'll be back sooner. Yeah. Well, there will be 24 hours of Frenchness. Voilà. Adrian gratified us with a playlist of like an hour and a half. Yeah. And that would be fun. And some other people too. Right, diversity of different styles and themes and shows. So check it out on Saturday on KFAI FA2. Exactly, from midnight to midnight. So check it out. It'll be on.